Mireille Kanyang. Nous sommes jeudi 6 août. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le président burundais appelle les Burundais à élire des chefs collinaires capables de développer leur localité et le pays, et aux administratifs d'éradiquer les rassemblements dits Ligala. Un appel ce jeudi depuis la commune Busoni de la province Kirundo. Une famille composée de 5 personnes a été décimée lors d'un incendie à la colline Rugari, en commune Muyinga de la province Muyinga, dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Et le concours d'entrée dans les écoles d'excellence édition 2020 est prévu le 18 du mois courant dans 118 centres de passation répartis dans tout le pays. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Elie Kadogo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir, page sécurité. Pour débuter cette édition, 5 personnes sont mortes dans un incendie déclaré sur la colline Rugari, commune province Muyinga, vers 21h de ce mercredi. Des habitants venus en masse se recueillir sur le lieu du drame ce jeudi croient un incendie d'origine criminelle et demandent des enquêtes. L'officier de la police judiciaire a fait le constat sur terrain et 2 personnes ont été appréhendées pour des raisons d'enquête. L'autorité locale invite toute personne avec une information pouvant éclairer les enquêteurs à la livrer discrètement. Le point avec Dieudonné Nzeiman. L'incendie qui a fait 5 victimes, des membres d'une même famille de la colline Rugali, s'est fait remarquer vers 21h mercredi. Les habitants qui ont accouru ont trouvé les corps déjà calcinés. Aucun survivant dans une maison jusque-là couverte de tôle. Jeudi matin, des centaines de personnes sont sur les lieux du drame. L'hypothèse d'un assassinat est privilégiée. Cette femme dit que c'est un crime. Les corps ont été entassés dans une chambre avant d'être incendiés. Il réclame la lumière sur les faits. Son membre de la famille indique que si l'on ne reverra plus les lèvres, connaître les auteurs du forfait les consolerait partiellement. Donatien Chichahayo, chef de zone Rugali, invite la population à collaborer avec les enquêteurs. Peu importe l'information, il faudra la livrer à l'administration ou aux policiers. Dieu ne pourra pas tolérer que l'on commettre un tel crime et cela coulait douce, estime le chef de zone Rugali. Les travaux d'inhumation des corps calcinés sont opérés avec l'appui des secouristes de la Croix-Rouge du Burundi, la police de protection civile et l'administration. Rugali, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Et une autre maison a été incendiée, emportant des vies humaines et 2 enfants la nuit de mardi à mercredi. Et la maison se trouve sur la sous-colline Ndagano de la colline, zone Nyambouye, en commune Isare de la province Bujumbura. Des informations fournies par la police disent que la maison appartient à un certain Pascal Ndagwarukanye. Le porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions affirme que la police a effectué une descente sur les lieux et a trouvé les 3 enfants morts. Il s'agit de Miss Nyo Nishu de 11 ans, Benilson Mugisha Wimana de 8 ans et Duc Nyo Mucho âgé de 4 ans. Pierre Nguriki renseigne que la police a déjà entamé des enquêtes et a arrêté le père et la mère des enfants brûlés vifs à l'intérieur de la maison. Et en page éducation, le concours d'entrée dans les écoles d'excellence édition 2020 est prévu le 18 du mois courant dans 118 centres de passation répartis dans tout le pays. L'annonce a été faite par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique dans un communiqué sorti ce mercredi hier. 3 premiers élèves de chaque classe de 6e année sont les seuls candidats autorisés à passer ce concours. Lors de la passation du concours, les candidats doivent être en uniforme scolaire et une chevelure simple et soignés, précise le communiqué. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique invite les parents, les directions scolaires et les enseignants concernés à redoubler l'effort dans la préparation des candidats au concours d'entrée en 7e année dans les écoles d'excellence. Les directions communales de l'éducation sont appelées à communiquer aux candidats les centres de passation retenus dans leur circonscription scolaire, conclut le communiqué. Écoutez Isanganilo, écoutez la différence. À 18h07 dans les studios de la radio Isanganilo, poursuivons cette édition. Plus de 4000 personnes non reconnues par la régie des eaux sont branchées sur les équipements de cette entreprise et plus de 140 000 clients sont dans la légalité. Cela ressort du recensement des points de livraison en eau et électricité ainsi que la géolocalisation de ses abonnés effectuée par la société MediaBox et l'IST et l'Institut des statistiques et des études économiques du Burundi, STEBU. Commandité par la Régie des eaux lors de la présentation des résultats de ce recensement ce jeudi, le directeur général de la Régie des eaux, Siméon Habonimana, demande à la population d'emprunter des voies légales pour s'abonner à cette entreprise afin d'éviter des pertes que subit cette entreprise en cas de raccordement illégaux suivi. Nous étions conscients que la base de données clientèle est vétuste et que ça nous donnait des chiffres qui sont erronés et que ça occasionnait des pertes pour nous. Le but aussi, c'est dans la préparation de la fondation pour mettre en place une base de données qui va permettre à nos logiciels qui sont en cours d'acquisition de travailler sur une base de données fiable. Et le résultat est que les chiffres que nous sont fournis par nos bases de données, ça a été quand même des résultats qui vont nous aider à protéger nos revenus en redressant la situation, en corrigeant les écarts et en remédiant toute la situation en général. Nous avons relevé 4071 personnes qui sont raccordées, je ne les appelle pas clients parce qu'ils ne sont pas nos clients, qui sont raccordées à nos infrastructures d'eau et d'électricité sans compteur, dont 3719 pour l'électricité et 352 pour l'eau, et avec une part assez importante au niveau de la ville de Bujumbura, parce que à Bujumbura, ces raccordements représentent 78% des cas au sens. Il y a des sanctions qui sont prévues pour tous ces gens qui font la fraude, et nous savons que sans doute il y a l'une ou l'autre personne, agent de la ville, qui est impliquée. Mais sachez que l'objectif du recensement, c'était notamment pour cela, protéger les revenus en traquant les fraudes. On va redresser cette situation. Siméon Habonimana, c'est le directeur général de la Régie des eaux. Il était au micro d'Ezekiel Ndikumwenayo. En page politique, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, demande à la population de la province de Kirundo ayant des familles ou amis qui ont fui le Burundi vers le Rwanda de les appeler pour regagner le pays. Évariste Ndayishimiye leur a demandé de se préparer à les accueillir comme le gouvernement. Dit-il, est également prêt à les accueillir. Il a dit cela ce jeudi en commune Busoni de la province Kirundo lors de la présentation du nouveau gouverneur à la population de cette province. Le point avec Abraham Safari. Dans son mot d'accueil au président de la République du Burundi, le gouverneur de la province de Kirundo a parlé de la situation de toute la province en général. Ici, il a signalé que la sécurité à la frontière burundo-rwandaise s'est bien normalisée après qu'il y ait certains incidents entre les militaires burundais et rwandais œuvrant sur le lac Rweru. Même la population vivant tout près de la frontière essaie de préserver la paix malgré cela, a-t-il ajouté. Dans son discours, le président de la République du Burundi est varié. Ndayishimiye a d'abord remercié la population de la manière dont elle s'adonne aux travaux quotidiens. Il leur a demandé ensuite d'appeler les familles et les amis qui ont fui leur pays vers le Rwanda de retourner chez eux et qui seront accueillis très chaleureusement. Le président Ndayishimiye a fait savoir que le gouvernement rassembleur et laborieux ne sera en aucun cas tranquille aussi longtemps qu'il y a des filles et des fils du Burundi qui reste toujours en exil. C'est pour cette raison, a-t-il martelé, que le gouvernement s'est bien préparé à leur accueil. Le président de la République a enfin donné clin d'œil à la population de Kirundo de bien faire le choix des chefs de colline et d'éviter le choix des vauriens qui ne donneront rien. Il faudra plutôt choisir les chefs de colline responsables qui peuvent les amener au développement durable. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Restons en province Kirundo justement pour parler de cette descente effectuée par le numéro 1 burundais. La population est invitée à élire des chefs collinaires qui leur permettront d'atteindre le développement et éviter la corruption électorale. Le chef de l'État l'a dit ce jeudi à Busoni lors d'une réunion à l'intention des responsables des services publics dans la province Kirundo. Évariste Ndayishimiye appelle les responsables administratifs au niveau communal et provincial à donner des corvées aux jeunes qui se regroupent dans des rassemblements appelés Ligala et pour éradiquer ce phénomène. Suivez-le, traduit en français par Eline Bell Niwigir. Les responsables collinaires dont nous avons besoin, ce sont des vrais chefs collinaires qui œuvrent pour les administrer. Est-ce qu'un chef collinaire qui, chez lui, loge dans des cendres, pourra-t-il vraiment vous servir jusqu'au développement? Nous voulons des chefs collinaires modèles, vous permettant d'atteindre le développement au niveau collinaire. Avec ces 10 millions de francs burundais que le gouvernement vous offre annuellement sur chaque colline, si vous avez un chef collinaire incompétent, il viendra juste bouffer ceux qui sont venus pour manger. Mettons-les de côté. Il y a ceux qui comptent vendre leur bétail afin de vous corrompre pour les élire. Ne leur donnez pas vos voix. Laissez-le mettre sur le marché leurs chèvres, buvez gratuitement leurs boissons, mais élisez des compétents pour les désenchanter. Car celui qui s'adonne à la corruption électorale, il manifeste son incompétence. En quoi va vous servir cet incompétent? Nous avons besoin d'un responsable collinaire qui peut même connaître toute personne qui n'a pas eu de quoi mettre sous la dent. Il s'informe pour connaître pourquoi la personne n'a pas eu de quoi manger. C'est pourquoi nous ne voulons pas des rassemblements d'Irigara. J'ai recommandé au gouverneur en collaboration avec les administrateurs communaux d'aménager des champs qui seront entretenus par ces gens qui se regroupent autour d'Irigara. S'ils ont refusé de cultiver chez eux, ils entretiendront des champs publics. Poursuivons cette édition à 18h13 dans les studios de la radio Isanganiro. Le manque d'infrastructures adaptées à la culture et les centres culturels pouvant abriter des concerts sont certains des défis auxquels fait face le secteur culturel burundais. Ceci a été dit ce jeudi par certains responsables des associations culturelles lors d'une réunion qui a été organisée ce jeudi à leur intention par le ministère ayant la culture dans ses attributions. Ezekiel Nibigira, leur a promis d'analyser leurs doléances avec les partenaires en la matière afin de trouver une solution durable à ces défis. Le point avec Prisca Ndabonasamvura, stagiaire à la radio Isanganiro. Dans cette réunion organisée par le ministre ayant la culture dans ses attributions, le manque des centres de promotion des arts culturels est l'un des défis soulevés par les participants dans le secteur culturel burundais, comme l'indique Freddy Kwizera, président de l'Amicale des musiciens du Burundi. Dans la culture burundaise, ça fait trop longtemps que les artistes et musiciens ont commencé à chanter dans le pays. Mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas quelque chose qui se développe au point de vue financier ou social. Le premier défi que nous avons soulevé devant le ministre, c'est valoriser la culture au Burundi. Montrer que la culture au Burundi peut être mise au même pied d'égalité que la santé, l'éducation ainsi que d'autres ministères. Donc d'autres ministères ont des budgets vraiment énormes, mais notre ministère a un budget trop petit. C'est un budget qui ne peuvent pas donc développer ce secteur culturel. Ils ont également indiqué que ce secteur fait face à un manque des infrastructures culturelles qui peuvent accueillir les compétitions ainsi que les centres culturels qui sont en faillite dans le pays. À cela, le ministre de la Culture a précisé qu'il compte travailler avec les partenaires en la matière dans le but de trouver solution à ces problèmes. Ezekiel Nibigira leur a demandé de valoriser la diplomatie culturelle. Nous devons effectivement voir comment ne pas travailler ou orienter nos activités vers une consommation locale. Nous devons penser à entamer une diplomatie culturelle. Il faut que les activités dans le domaine de la culture soient effectuées en pensant que nous devons les vendre à l'extérieur de notre pays. Dans le but de promouvoir la culture burundaise, le ministre Ezekiel Nibigira a promis qu'il va continuer à organiser de telles réunions avec les présidents des associations culturelles. Parlons environnement à présent. Plus de 30 hectares sont touchés par des feux de brousse dans moins de 2 semaines, surtout dans les communes Mugui et Wuganda de la province Cibitoke. Le gouvernement de cette province appelle la population de sa province à s'impliquer dans la dénonciation des auteurs, tout en indiquant que les enquêtes sont en cours pour traquer les auteurs de ces feux de brousse. Le point avec Alexis Deiragidj. C'est plus de 30 hectares qui sont partis en fumée en province de Cibitoke, se trouvent surtout dans les communes d'Obuganda, Mugui et une partie de la commune Rugombo. Certaines personnes contactées en commune Obuganda indiquent que les auteurs seraient ceux qui cherchent les pâturages, les cultivateurs par accident, les bergers qui grillent certains aliments. Ces faits de brousse ont commencé à s'observer surtout ces deux dernières semaines. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Bizo Zakarem, se dit inquiet et surtout déçu par la recrudescence de ces faits de brousse. Il demande aux administratifs d'être vigilant afin de traquer les auteurs. À la population, il demande que tout un chacun doit s'impliquer pour décourager ces faits de brousse et surtout de dénoncer les auteurs. Le gouverneur Bizoza met en garde toute personne qui sera attrapée en train d'oblurer ces brousses qui sera sanctionnée exemplairement. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Parlons santé à présent. Deux ambulances et un centre de transit et d'isolement de Gatumba pour les cas suspects de Gatumba ont été accordé au ministère de la Santé par le Programme alimentaire mondial, le PAM. Dr Tadende Koumana, ministre de la Santé publique, dit que ce don va appuyer dans la lutte contre la COVID-19 et surtout que la prise en charge des cas confirmés de COVID a été décentralisée. On l'écoute. Comme vous l'avez entendu, est composé de, je dirais, trois lots. D'abord, il y a deux ambulances qui vont compléter les autres deux ambulances qui avaient été disponibilisées par la PAM. C'est pour la référence contre référence des cas suspects de COVID. Deuxièmement, c'était le centre de triage de Gatumba qui a été réfectionné grâce au fonds CERU. Ça nous a aidé à étendre l'hôpital, mais aussi actuellement, même nous n'avons pas connu des cas d'Ebola. Ça a été initié dans le cadre de la prévention contre Ebola. Ça va effectivement nous aider dans la prévention contre le COVID et d'autres maladies endémiques, que ce soit le choléra ou autre. Et le troisième lot, c'était le renforcement des capacités des agents de la CAMEBU, parce que nous voulons que les approvisionnements de la centrale d'achat jusqu'au niveau des districts soient assurés et avec une capacité de garantir la qualité des médicaments est requise, mais aussi il y a une promesse d'étendre les entrepôts de stockage au niveau des districts. Ça, c'était vraiment prioritaire pour le gouvernement. Et sinon, nous comptons toujours travailler ensemble. Ça a été promis. Nous garantissons que ces ambulances vont servir la population comme cela a été programmé. Seulement, je voudrais dire qu'il faut encore plus, puisque maintenant, on va décentraliser la prise en charge. Il va sans dire qu'on aura besoin plus d'ambulances qu'avant, puisque on était concentré ici à Bujumbura. Nous comptons aller à l'intérieur du pays. Mais aussi, ça pourra aider dans la référence contre référence des autres pathologies, puisqu'on doit renforcer le système aussi de santé. Docteur Tadende Koumana, ministre burundais de la Santé. Dernier élément de cette édition, la délimitation de la zone tampon avec les propriétés des privés en commune Nyanzara qui va porter sur une distance de 20 km à partir de la colline Kabondo, située au chef-lieu de la commune Nyanzara, jusqu'à la colline Kabonga. Ceci a été dit ce jeudi par le secrétaire permanent au sein du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Et la population riveraine dit que même si elle est inquiétée par cette délimitation, affirme qu'elle pourra continuer à vaquer à ses activités tout en respectant la protection du lac Tanganyika. Voilà, à 18h20 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Elie Kadogo qui assure la mise en onde. De vous retrouver la rédaction en langue française à 22h.